يهداه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue pour ces différentes assises de Ramadan sur la radio Sunna. On remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis d'atteindre ce mois béni. Ce mois béni dans lequel il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Ce mois béni au cours duquel le Coran fut révélé. Le mois du Coran, le mois de la prière de nuit et de l'aumône. Le mois au cours duquel les portes du paradis sont ouvertes et celle de l'enfer fermée. Le mois au cours duquel les démons sont enchaînés. Le mois dans lequel un appeleur appelle « Ya bari al-khayri aqbil, wa ya bari al-sharri aqsir, ô toi qui cherches le bien, accourzi, ô toi qui cherches le mal, retiens-toi. » On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter le jeûne de ce mois et de nous compter parmi ceux qui jeûnent ce mois avec foi, conviction, en espérant la récompense d'Allah. Nous lui demandons également, subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner nos péchés, nos fautes, et de nous faciliter le repentir. Le sujet que nous allons aborder durant ce mois et ses différentes assises sera la mention brève et résumée de personnages clés de l'islam, qui sont les meilleurs hommes à avoir foulé cette terre après les messagers, les prophètes et messagers. Nul doute qu'ils sont l'élite et la crème de cette communauté. Ils sont assurément les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs de ces compagnons sont les quatre califes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali radiallahu anhum. Pour cela, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous assister et de nous compter parmi ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Avant de commencer la biographie de ces quatre califes, il est important et impératif de connaître la croyance authentique à avoir concernant les compagnons. Quelle est la croyance des gens de la Sunna envers les compagnons. Fanaqul wa billahi tawfiq. Le grand savant de Médine, le muhaddith Abdul Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve et allonge sa vie, a dit dans son livre Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a fi Sahabati al-Kiram, dans son livre La croyance des gens de la Sunna et du groupe concernant les honorables compagnons, il dit: par miséricorde envers ses serviteurs, Allah leur a envoyé un messager issu d'eux-mêmes, afin que ce dernier leur transmette le message de leur Seigneur, les oriente vers ce qui leur est profitable et les mette en garde contre toute chose qui pourrait leur nuire. Et certes, le prophète a exécuté cette tâche de la manière la plus complète et la plus parfaite. Il a orienté sa communauté vers tout le bien et il l'a mise en garde contre tout mal et par cela, il a conseillé sa communauté. Et certes, Allah Azzawajal a choisi pour son messager et pour propager la religion les meilleurs gens de cette communauté qui est, c'est-à-dire cette communauté, la meilleure des communautés, qui est elle-même la meilleure des communautés. Effectivement, Allah Azzawajal a dit à cet effet, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dans le sens rapproché des versets, vous êtes la meilleure communauté que nous ayons fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le bien et condamnez le blâmable et vous croyez en Allah. Sourate Ali Imran, verset 110. Allah a honoré les compagnons de par la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par le fait qu'ils ont écouté ses propos et de par le fait qu'ils l'ont vu dans cette vie d'ici-bas. Et ceci est un honneur et un bienfait qu'Allah donne à qui il veut. Et Allah est certes le détenteur de la grâce immense. Fin de citation. Le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, avec une chaîne de transmission qui s'arrête à Abdullah ibn Mas'ud, il a dit Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin khayra qulubi al-ibad fastafahu li nafsihi فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه الحديث. Dans le sens rapproché, il dit, certes Allah a regardé les cœurs de tous les serviteurs et il a trouvé que le cœur de Muhammad était le meilleur des cœurs. Il l'a donc choisi pour lui-même et l'a envoyé avec son message. Ensuite, Allah a regardé les cœurs des serviteurs après le cœur de Muhammad et il a trouvé les cœurs des compagnons meilleurs que les cœurs des autres serviteurs. Il a donc fait d'eux les ministres de son prophète et ils combattent pour sa religion. Nous voyons à travers cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des gens après les prophètes et messagers. D'ailleurs, la croyance des gens de la Sunna concernant les compagnons du prophète est claire et est sur une position de juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Tout d'abord, la définition du compagnon. Comme a dit Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, le compagnon est celui qui a rencontré le messager, qui a cru en lui, en son message et qui est mort sur la foi. D'ailleurs, c'est la définition qui a été rapportée de l'imam Ahmed et de l'imam al-Bukhari, rahimahumullahu jami'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » Les meilleurs gens sont ceux de ma génération, ensuite ceux qui suivent, puis ceux qui leur succèdent. Sachez que les éloges d'Allah azzawajal à l'égard des compagnons dans le Coran et les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna sont très nombreux. Parmi les éloges cités dans le Coran, Allah Azza wa Jal a dit dans sourate At-Tawbah, verset 100, il dit « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Dans le sens rapproché des versets, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans le sens rapproché des versets, Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément,

Allah les a choisis pour son prophète. Fin de citation. Et certes, les versets allant dans ce sens, montrant le mérite des compagnons et leur degré, sont nombreux dans le Coran. En ce qui concerne leur éloge dans la Sunna, ils sont également nombreux. Nous pouvons citer à titre d'exemple le hadith de Abi Sa'id ibn al-Khudri, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith rapporté dans Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La tasubbu ashabi, falaw anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba, ma balara mudda ahadihim wala nasifa. » Dans le sens, n'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent du mont Uhud en or, il n'atteindrait pas l'équivalent du Moud, qui est une unité de mesure, de l'un d'entre eux, ni même la moitié. Également dans le hadith de Abi Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Il a dit dans le sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les étoiles sont une garantie pour le ciel. Quand les étoiles disparaîtront, le ciel sera touché de ce qui lui a été promis. Et je suis une garantie pour mes compagnons. Lorsque je partirai, il adviendra à mes compagnons ce qui leur a été promis. Et mes compagnons sont une garantie pour ma communauté. Quand mes compagnons disparaîtront, ma communauté sera touchée par ce qui lui a été promis. Et les hadiths à ce sujet sont également nombreux. Fait également partie de la croyance des gens de la Sunna l'obligation de mentionner les compagnons en bien, d'invoquer en leur faveur et de les aimer. Il est rapporté dans l'authentique de Muslim la parole de Aïcha radiallahu anha qui a dit à Urwa ibn Zubayr concernant ceux qui insultaient les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, on leur a ordonné d'invoquer le pardon d'Allah pour les compagnons. Au lieu de ça, il les insulte, faisant référence au verset 10 de Surat Al-Hashr. Il a été rapporté également de Jabir ibn Abdullah qui a dit, on dit à Aïcha, radiallahu anha, il y a des gens qui parlent en mal des compagnons en les insultant jusqu'à insulter Abu Bakr et Omar. Elle répondit alors, qu'est-ce qui vous étonne dans cela? Leurs œuvres, c'est-à-dire des compagnons, sont arrêtées de par leur mort. Mais Allah a voulu que leurs récompenses et leurs bonnes actions continuent. Ceci car le fait de les insulter et de parler en mal des compagnons sont en réalité des bonnes actions à leur actif. En ce qui concerne le fait de les mentionner en bien, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit dans son livre As-Sunnah, fait partie de la Sunnah de ne mentionner que les vertus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous sans exception, et de cesser de patauger dans ce qui s'est passé entre eux. Celui qui insulte les compagnons ou un seul parmi eux est un innovateur chiite. L'amour des compagnons, il dit également, l'amour des compagnons est une sunna, invoquer en leur faveur est une adoration. Leur suivi est un moyen de se rapprocher et agir avec leur récit est un honneur et un mérite. L'imam Abu Othman al-Sabouni, rahimahullahu ta'ala, a dit dans son livre « La croyance des pieux prédécesseurs et des gens du hadith », il dit « Ils, les pieux prédécesseurs, voient qu'il est obligatoire de cesser de rentrer dans ce qui s'est passé entre les compagnons du prophète, de purifier les langues, de dire ce qui pourrait être un rabaissement envers les compagnons. Et ils voient la demande de miséricorde pour les compagnons et de s'allier à tous les compagnons, sans exception. » Fin de citation. Aimer les compagnons fait partie de la foi. L'imam al-Tahawi a dit dans la croyance des gens de la Sunna, il a dit « وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Il dit: Nous aimons les compagnons du messager d'Allah et nous n'exagérons pas dans l'amour de l'un d'entre eux. Nous ne renions et nous nous désavouons d'aucun d'entre eux. Nous avons de l'aversion envers quiconque a de l'aversion envers eux et les évoque en mal. Nous ne mentionnons les compagnons qu'en bien. Les aimer fait partie de la religion, de la foi et de l'excellence, et les détester et avoir de l'aversion relève de la mécréance, de l'hypocrisie et de l'injustice. Fait également partie de la croyance des gens de la Sunna de savoir que les compagnons du prophète sont tous dignes de confiance et intègres. Ceci, car nous avons vu qu'Allah Azza wa Jal a attesté de leur intégrité dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de leur intégrité dans la Sunna. Et parmi les paroles des imams de la communauté à ce sujet, il y a la parole de Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, qui a dit: Les gens de la Sunna sont unanimes sur le fait que tous les compagnons sont intègres et dignes de confiance. Tous les savants sont unanimes à l'exception de certains innovateurs marginaux qui ont contredit cela. De même, l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi a rapporté avec une chaîne de transmission jusqu'à Abi Zur'a qui a dit une parole immense. Il a dit: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. Dans le sens: Si tu vois un homme dénigrer un compagnon du messager d'Allah, alors sache que c'est un hérétique, un zindiq. Ceci, car pour nous, le messager d'Allah est une vérité. Le Coran est une vérité. Et il se trouve que le Coran et les hadiths nous ont été transmis par les compagnons. Ils cherchent à travers cela à critiquer et à contester nos témoins, afin d'invalider le Coran et la Sunna. Or, ils sont plus à même d'être critiqués et récusés, et ils sont assurément des hérétiques. L'imam Ahmad ibn Hanbal a dit: « La yajouzu li ahadin an yadhkura shay'an min masawi'ihim wala yat'ana ala ahadin minhum faman fa'ala dhalika faqad wajaba ala sultani ta'dibuhum wa 'uqubatuhum aw 'uqubatuhum. Il n'est pas permis de mentionner leurs défauts et de critiquer l'un d'entre eux. Celui qui fait cela, alors il est obligatoire au détenteur de l'ordre de le punir et de le sanctionner. » De même, Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala a dit dans son livre La critique et l'éloge: Fa amma ashabu rasulillah fa hum alladhina shahidu al-wahy wa at-tanzil wa arafu at-tafsir wa at-ta'wil wa hum alladhina ikhtarahum Allah 'azza wa jalla li suhbati nabiyyih wa nusratihi wa iqamati dinihi wa izhari haqqihi faradiyahum lahu sahabatan wa ja'alahum lana a'laman wa qudwa fa hafizu 'anhu ma ballaghahum 'anillahi 'azza wa jalla. Il dit dans le sens: les compagnons du messager sont ceux qui ont vécu et assisté à la révélation. Ils ont connu l'interprétation et la compréhension du Coran. Allah les a choisis pour accompagner le prophète, pour le soutenir, établir sa religion et faire apparaître la vérité. Allah les a agréés comme compagnons pour le prophète et a fait d'eux pour nous des exemples et ceux qui doivent être suivis. Et ils ont mémorisé du prophète ce qu'il leur a transmis de son Seigneur. Également, on mentionna auprès de l'imam Malik un homme qui dénigrait les compagnons. L'imam Malik récita alors le verset 29 de la sourate Al-Fath, la victoire, que nous avons cité au début. Dans le sens: Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Jusqu'à arriver à la parole d'Allah: Allah par eux, c'est-à-dire les compagnons, remplit de dépit les mécréants. Ensuite, l'imam Malik a dit: Celui qui a de la rancœur, de la haine contre les compagnons du prophète est concerné par ce verset. De même, Ibn Abil Izz al-Hanafi a dit dans son explication du livre At-Tahawiyya: Qui est donc plus égaré que celui qui a dans le cœur du ressenti ou de la haine à l'encontre des meilleurs croyants, des meilleurs alliés d'Allah, après les prophètes? Il dit sur ce point, même les juifs et les chrétiens sont meilleurs qu'eux, c'est-à-dire meilleurs que ceux qui ont de la haine ceux qui ont de la haine et aversion envers les compagnons. Il dit, il fut dit aux juifs qui sont les meilleures personnes de votre religion. Ils dirent, les compagnons de Moussa, alayhi salam. Il fut dit aux chrétiens la même chose. Ils dirent les compagnons de Issa, alayhi salam. Il fut dit aux chiites qui sont les pires gens de votre religion. Ils ont dit les compagnons de Mohammed, à l'exception d'une poignée d'entre eux. Et il y a parmi ceux qu'ils insultent et dénigrent des compagnons qui sont meilleurs que ceux qu'ils ont épargnés. Fin de citation. Voici de manière résumée la croyance des gens de la Sunna et du groupe concernant les compagnons. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya, lorsqu'il résuma la croyance des gens de la Sunna concernant les compagnons, il dit: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحدهم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 312 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كالعشرة وكثابت بن قيس ابن شماس وغيره من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة إلى قوله ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. Il dit dans le sens, qu'Allah lui fasse miséricorde, parmi les fondements des gens de la Sunna et du groupe, le fait qu'ils purifient leur cœur et leur langue au sujet des compagnons, conformément à la parole d'Allah qui a dit, et le butin appartient également à ceux qui sont venus après eux, en disant, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Et ils, les gens de la Sunna, se soumettent à l'ordre du prophète, conformément à sa parole, n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous dépensait en aumône l'équivalent en or du mont Uhud, cela ne vaudrait même pas le moud, l'unité de mesure, en aumône de l'un d'entre eux, ni même la moitié. Il dit, les gens de la Sunna acceptent et agréent ce qui a été rapporté du Coran et de la Sunna et le consensus concernant les mérites des compagnons et leurs degrés. Ils mettent en avant et favorisent les compagnons qui ont dépensé de leurs biens et ont combattu dans le sentier d'Allah, avant la victoire éclatante, qui est le pacte d'Al-Hudaybiyyah, sur ceux qui ont agi d'eux-mêmes, mais après la victoire. Ils devancent les immigrés sur les auxiliaires, et croient à ce qu'Allah a dit concernant les combattants de Badr, qui étaient à peu près 300 et quelques, « Faites ce que vous voulez, mon pardon vous est acquis » ou « Je vous ai pardonné ». Les gens de la Sunna croient également qu'Allah ne fera rentrer en enfer aucun de ceux qui ont prêté allégeance au prophète sous l'arbre. Ceci conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient plus de 1400, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'eux. Ils attestent du paradis pour ceux qui ont reçu la bonne annonce du paradis, comme les 10 promis au paradis, comme Thabit ibn Qais ibn Shammas et d'autres parmi les compagnons. Ils, les gens de la Sunna, approuvent et ont comme conviction ce qui est rapporté de manière notoire du calife Ali, radiallahu anhu, et d'autres que lui, que les meilleurs hommes de cette communauté après le prophète sont respectivement Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite en troisième position Othman, ensuite en quatrième position Ali. Comme les récits le prouvent et comme les compagnons étaient unanimes sur le fait de devancer Othman à Ali, radiallahu anhum. Il dit également, les gens de la Sunna ont pour croyance que le plus en droit au califat, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali, qu'Allah les agrée, jusqu'à arriver à sa parole, et celui qui dénigre ou récuse le califat de l'un de ces quatre imams, alors il est plus égaré que l'âme de sa propre famille. Fin de citation. Voilà de manière résumée la croyance à adopter concernant les compagnons. Et comme Cheikh al-Islam a dit, dans la fin de sa parole, les meilleurs de la communauté sont les quatre califes bien guidés. Ils sont dans l'ordre de la succession au califat et dans l'ordre de mérite Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Parmi les textes qui prouvent qu'ils sont les meilleurs de la communauté, nous avons le hadith de Irbad ibn Sariya, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Revenez donc à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux nouveautés dans la religion, car toute chose nouvelle en religion est une innovation et toute innovation est un égarement. » L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son authentique le récit de Abdullah ibn Omar qui a dit « À l'époque du prophète, les meilleurs parmi les gens que nous désignons étaient Abu Bakr, ensuite Omar, puis Othman, qu'Allah les agrée. » De même, il est rapporté de Ali, radiallahu anhu, qui a dit à Abu Juhayfa, « Ne t'informerai-je pas des meilleurs gens de cette communauté après son prophète ?» Abu Juhayfa dit alors, « Bien sûr. » Il dit, Abu Juhayfa, « Alors que je ne voyais personne de meilleur que lui, il me dit, « Le meilleur de cette communauté est Abu Bakr, puis Omar, puis Abu Juhayfa cite un troisième, dont il ne cita pas le nom. » Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, a dit dans la biographie de Ali, radiallahu anhu, « Il mourut en l'an 40 de l'Hégire et à ce moment, il était le meilleur des fils d'Adam sur la terre selon le consensus des musulmans. » Parmi les paroles des imams de la communauté, parmi les paroles des imams de la communauté à ce sujet, il y a la parole de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullahu ta'ala, qui est surnommé le petit Malik. Il a dit dans son introduction à sa lettre, dans laquelle il explique la croyance des gens de la Sunna, il dit « Wa afdalu sahaba al-khulafa al-rashidun al-mahdiyun, Abu Bakrin, thumma Omar, thumma Othman, thumma Ali. » Il dit « Les meilleurs des compagnons sont les califes bien guidés, Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali, radiallahu anhum. » Il y a également la parole de Ibn Abi Daoud, qui a dit dans son poème sur la croyance des gens de la Sunna, il a dit وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قِدْمًا ثُمَّ عُثْمَانَ الْأَرْجَحُ وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ عَلِي. Dit, certes, les meilleurs des gens après Mohammed sont ces deux ministres depuis le début, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar. Puis Othman, selon l'avis le plus juste, est le quatrième d'entre eux, le meilleur de la création après eux, et Ali. Nous voyons à travers ces différentes paroles, ces différents récits, les meilleurs de la communauté sont ces quatre califes bien guidés, et ceci à l'unanimité des musulmans. Et leur rang dans le mérite et le rang qu'ils ont dans le califat, à savoir en premier lieu Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman et ensuite Ali. Il faut savoir également que leur califat et leur gouvernance fut un califat et une gouvernance sur la voie prophétique. Comme ceci est attesté par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khilafatun nubuwa 30 sana, thumma yu'ti Allahu ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. Le califat sur la voie prophétique sera de 30 années après moi. Après cela, Allah donnera la royauté à qui il veut. Et lorsque nous regroupons et calculons la durée de la gouvernance de ces quatre imams, nous trouvons que cela correspond parfaitement aux 30 années mentionnées dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelques mois près. De ce fait, bi'idhnillahi ta'ala, nous évoquerons dans les prochains cours la biographie résumée de chacun de ces quatre califes, de ces quatre imams, et ceci avec l'assistance d'Allahu Azza wa Jal, en commençant par le véridique de la communauté, le meilleur homme après les prophètes, le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les hommes, Abu Bakr radiallahu anhu. Fanaktafi bihadha al-qadr, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.